Voilà, c'est l'intempestive. L'intempestive revient en ce début septembre avec une émission dans la série Phonographie où l'on va à la rencontre d'artisans du sonore, de celles et ceux qui l'écoutent, de celles et ceux qui l'analysent. On est allé voir cette fois quelqu'un qui fait du documentaire radiophonique mais qui refuse le terme de créateur sonore et préfère celui de compositeur. Lucien Bertolina, qui accompagne depuis des années la route de Radio Grenouille, venait de mettre à disposition, lors du festival Paroles de Galère, le studio Euphonia pour rediffuser les écoutes de création radiophonique que nous avions organisées. Ça tombait très bien parce que ça faisait un moment qu'on voulait aller discuter avec lui et donner à entendre son travail, à commencer par cet orage dans les corbières que vous venez d'écouter. Donc, Lucien Bertolina, je suis né en 1946, donc j'arrive à 66 ans. Je dis ça parce que c'est pas par coquetterie que je le cacherai, mais c'est parce que ça fixe un parcours qui est un peu long, donc. Et je suis actuellement donc professeur à l'école d'art de Marseille, l'UMINI, tant que département, enfin, l'atelier son, qui touche en même temps son, musique, bon, enfin. Et je suis directeur artistique, alors tout ça, ça fait pompeux, de Euphonia, qui est un atelier de création sonore qui a été créé en 1994 avec Fabrice Lextré, directeur de la radio Grenouille. Et donc c'est un contrepoint qu'on a créé par rapport à la radio, c'est-à-dire avoir un atelier de création qui soit lié à la radio, mais pas que, de façon à travailler dans un temps qui est différent de celui de la radio, c'est-à-dire pas la précipitation, les plannings, etc., mais d'avoir des productions qui puissent être plus proches finalement d'une création musicale. Parce que je pense que l'écriture sonore et tout ce qui est rapport au son, ça doit être, à mon sens, effectivement, un peu dans une radio, pas qu'il y ait uniquement un département de, comment on pourrait dire, entre guillemets, création sonore, mais que la radio soit elle-même dans une recherche d'écriture générale sur la production qu'elle fait, quoi. Voilà. Donc, il arrive effectivement qu'on travaille ici avec des journalistes, etc. On accueille aussi des gens qui sont liés à l'image, au théâtre. toujours bien sûr dans le rapport au son, hein, puisqu'on ne fait pas d'image, on ne fait pas de théâtre, mais comme le son est un peu de partout, dans les pratiques artistiques, j'ai même à l'école des gens qui font peinture et qui font des ou installations, mais ça c'est connu, mais qui font des rapprochements entre peinture et son, qui sont à mon sens les plus difficiles. De 10 ans, j'entre au conservatoire pour faire du solfège, bon, etc. Et à 14 ans, je joue du trombone. Et en parallèle, je suis à l'école des cours d'électronique, tout ce qui un jour m'a permis de rencontrer, de croiser, enfin ça m'a aidé en tout cas, la musique et le studio. Donc au départ, premiers jeux musicaux, c'est le balletti. On appelait ça le balletti, je sais pas si on dit plus ça maintenant. C'est-à-dire le bal populaire. Donc à 14 ans, comme je commençais à jouer du trombone et je m'en sortais pas mal, je travaillais dans des orchestres de bal. Et c'est peut-être l'époque où j'ai gagné pas mal d'argent, quoi. Après, ça a duré jusqu'à 30 ans, j'ai arrêté parce qu'à un moment c'était... Bon, bien sûr, en faisant des tas d'autres choses en parallèle. À Marseille, toujours. À Marseille, oui. Donc là, c'était pas trop embêtant parce qu'on jouait des trucs qui étaient surtout dans les années 70, début des années 70, même avant, puisque j'ai commencé à 14 ans, mais qui étaient plutôt du rhythm and blues, des choses comme ça, quoi. Même Claude François, c'est rigolo à jouer, quoi. Après, on peut aimer ou pas aimer, mais j'aime bien citer ça parce que c'est important pour moi. Ensuite, je fais du jazz, bon, en parallèle, hein, c'est tout, les choses sont jamais les unes après les autres, mais sont toujours en contrepoint ou renvoient. Donc je fais du jazz dans la première classe de jazz créée en France, à Marseille. C'est Barbizet qui a créé cette classe, Pierre Barbizet, qui était pianiste et directeur du conservatoire de Marseille, en 68. Donc c'était un événement, quoi, je veux dire, par rapport à même jazz à la place au conservatoire, etc. Je m'amusais un peu aussi avant, là j'ai oublié à l'enfance, j'avais créé dans un KGB chez moi un petit studio, c'est-à-dire sans table de mixage, rien, mais un magnétophone avec un micro à bande, bien un magnéto à bande, et je m'amusais à jouer à la radio. Peut-être aussi parce que la radio, comme dans ces années-là, était vachement importante, et je me souviens même, j'ai des anecdotes comme ça, où mon grand-père écoutait la radio quand j'étais tout gamin. C'était des gros postes. Et il s'appuyait dessus le front, et puis il écoutait. C'est-à-dire qu'il faisait que ça, quoi. Il fermait les yeux, en plus. Alors, souvent, il chantait. Et il me faisait croire que... Là, j'étais vraiment petit. il me faisait croire que tout se passait dans le, derrière le haut-parleur, c'est-à-dire que les comédiens étaient dans, derrière le haut-parleur, derrière cette grande grille qui, à l'époque, n'était pas des petits haut-parleurs. C'est tout là que ça se passait. Donc l'imaginaire, pour moi, était en même temps, je me rends compte aujourd'hui en t'en parlant, c'est-à-dire qu'effectivement, tout se passait derrière la membrane du haut-parleur. Et maintenant, ça me dit encore des choses, c'est-à-dire que quand j'écoute n'importe quoi, des émissions, enfin des trucs qui sont à la radio, effectivement, c'est toujours derrière la membrane du haut-parleur, quoi. Et j'ai arrêté le jazz dans les années 74, parce que je faisais à ce moment-là de la musique improvisée, mais totale, improvisation totale, et le percussionniste appelé Michel Clot est mort après un concert. Et donc je suis entré, j'étais déjà un peu avant, parce que ouais, les choses se croisent encore, en classe électroacoustique qui avait été créée, elle, toujours à Marseille. C'est la première classe, comme quoi Barbizet avait... je sais pas, il était ouais, un petit peu intéressé par le jazz, un peu par l'électroacoustique, mais je pense que c'était surtout un visionnaire aussi dans sa pratique. L'électroacoustique, bon, ben, c'est, les premières tentatives ont été faites, je crois, après-guerre, surtout par... un dénommé Pierre Schaeffer qui travaillait à l'ORTF, ou à la RTF, je ne sais plus comment on dit, et qui d'un coup s'est servi... alors, il faut effectivement souligner que c'était la période où l'enregistrement sur bande magnétique était devenu facile, même si ça existe depuis la fin du siècle d'avant, ou en tout cas début du 20e. Mais en 45, ça va, c'était facile, même si les machines étaient énormes, hein, et un magnétophone, ça devait faire 1 mètre cube. Et donc, c'est dans ce labo, avec Pierre Henry, bon, des noms qui sont un peu connus, peut-être pour ceux qui... Luc Ferrari, Bernard Parmigiani, François Bayle, François Rebel, bon, tous ces gens-là, ont eu l'idée, je crois que c'est surtout une initiative de Schaeffer, de faire du son, enfin de la musique, alors là peut-être je reviendrai là-dessus, avec effectivement des sons qui étaient fixés, puisque c'est la première fois qu'on pouvait fixer les sons sur un support et les retravailler. Ce qu'on fait actuellement, aujourd'hui, sans se poser même la question en permanence. Ouais. Donc, eux ont appelé ça la musique concrète ou la musique électroacoustique. Pourquoi électroacoustique? C'est encore plus compliqué. Parce qu'en Allemagne, dans les mêmes années, un compositeur, je me suis dit, lui faisait de la musique électronique, c'est-à-dire à partir de générateurs. Et donc, le croisement s'est fait électro, parce que électronique. Et acoustique, c'est le son qu'on peut capter et qui vient pas de générateur, mais qui vient de la vie en général, etc. Alors, ils enregistraient un train et puis ils arrivaient à tellement le déformer pour en faire ce qu'on appelle un objet musical, un objet sonore musical. Donc sonore musical, à cette époque, ça a commencé le contrepoint du sonore et du musical, bon, qui maintenant pose plus aucun problème encore que. Et cette revendication, moi, ça m'a gêné parce que à ce moment-là, je me disais, mais pourquoi on part du réel pour le cacher à ce point, pour d'un train en faire, par exemple, un son de contrebasse, je dis n'importe quoi, mais bon. La musique te semblait une production pas à la hauteur, en fait, de la réalité, ou une forme d'instrumentalisation des sons du réel, ou comment est-ce que tu expliquerais cette gêne dont tu parles ? J'explique la gêne maintenant, puisque tu me poses la question et c'est bien que tu me relances, parce que Luc Ferrari, a tenté, au sein du GRM, est arrivé un jour avec une partition, c'était en 54, où il introduit du son sans le trafiquer. Et ça fait scandale, quoi. Donc pour moi, un des précurseurs de ce rapport entre travailler le son et la musique en parallèle et sans masquer un pour l'autre, ou sans d'un, etc., c'est Ferrari, à mon sens, qui a, après, bien sûr, quand on représente toujours des inventions ou des découvertes par une personne, mais c'est jamais qu'une personne, quoi. C'est toujours, ça se cristallise sur une personne, mais c'est toujours sur le rapport de plusieurs personnes qui ouvrent le monde. On arrive vers la période où tu fondes avec d'autres le groupe de musique expérimentale de Marseille. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de la classe, il y a quatre individus qui forment ce groupe. Donc Marcel Frémiot, qui était le directeur et le professeur au départ du groupe. Ensuite, Michel Rodolfi, qui ensuite lui s'est orienté vers la musique subaquatique. Musique dans l'eau par haut-parleur, il n'a pas fait que ça, bien sûr, il a fait des tas de choses. Georges Boeuf, qui restait plus dans la composition électro-acoustique, et puis qui retournait finalement vers la fin, il n'est pas encore mort, hein, mais sur la composition traditionnelle, ou en mélangeant les deux, musique mixte, parce qu'on appelait ça aussi musique mixte, c'est-à-dire avec la bande magnétique et un instrumentiste en direct, ou plusieurs, hein. Et la ville nous a donné, tout s'est passé bien, quoi. C'est-à-dire, progressivement, on a eu de l'argent, des subventions, des très beaux locaux qui étaient donnés par la ville, à la rue des Dominicaines, au 44, je me souviens. Ensuite, il y a eu au rez-de-chaussée, a été accueilli le GRIM, le groupe de recherche et d'improvisation musicale. Et au dernier étage, il y avait une troupe de théâtre qui s'appelle Le Pied Nu avec Moa, je ne sais plus son nom. Donc, dans le même bâtiment, on retrouvait une forme de musique, deux avec la musique improvisée, le théâtre, et c'était des croisements fantastiques, quoi. Après, je pense qu'on va arriver pas très loin de la période où tu as commencé à travailler avec Radio Grenouille. Je sais pas si tu étais là dès le départ avec Radio Grenouille ou si tu es arrivé par la suite. Et ça m'intéresserait de savoir justement comment ça se fait que tu t'es tourné vers la radio, quel était l'intérêt pour toi, venant de la composition musicale, de te tourner vers les médias radio et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce qui a déclenché quand même, oui. C'est la rencontre avec Michel Clot, donc qui était celui dont je parlais, qui a eu un accident, etc. Et en même temps, on faisait de la musique improvisée. On allait dans le quartier nord, enregistrer des enfants, faire des trucs comme ça. Quand il est mort, donc, c'est un peu lui qui m'a mené à cette pratique d'enregistrement en dehors du studio, hein. Même si j'en faisais quand même. C'est lui qui m'y a amené vraiment, et où on considérait que la musique était partout. Donc, avec Michel, quand il est mort, moi j'ai continué ce travail avec les gamins pendant 8 ans. C'est-à-dire que les gamins avaient 11 ans, et j'en ai tiré un bouquin qui s'appelle « Mon dernier terrain vague », qui retrace tout ce parcours sur 8 ans avec les enfants. J'ai arrêté parce qu'ils étaient adolescents ensuite. Et donc, il faut dire qu'aussi, je faisais de la réalisation, comme j'étais prêt, comme je disais tout à l'heure, d'une démarche de Ferrari, dans mes musiques, je commençais à introduire le son, moi aussi. Et puis j'ai fait des stages à Fosnur-Janova comme animateur de stage. Et c'est là que j'ai rencontré Fabrice Lextré, qui est venu à un stage, pour passer de temps en temps, et me faire la proposition de créer donc Fonia avec au sein de Radio Grenouille. Donc lui, il dirigeait Radio Grenouille, bien que Radio Grenouille, c'était là, je parle en 94, j'avais quitté le GME, hein, déjà, et je travaillais avec deux plasticiens, Muriel Morde et Christian Lodi, Donc la radio, c'est effectivement Tourski qui l'a montée, Richard Martin, il était à Tourski, mais ça c'était au début des radios libres. Donc moi j'arrive 20 ans après et je rencontre donc les gens de la radio, et la première chose que je leur ai appris, c'est de faire un collant sur bande magnétique avec scotch. Ils n'avaient jamais fait ça de leur vie. Et effectivement, ils travaillaient avec les surimpressions, mais jamais de montage au ciseau. Et donc là, j'ai introduit au sein de la radio Grenouille le collant. Ça me fait drôle maintenant que je raconte cette histoire. C'est-à-dire être là, coupé de bandes, bon, je vais pas rentrer dans tout, sinon on en a pour la journée, là, si je rentre dans tous les détails. Et quand la radio, un an après, la radio s'est déplacée à la Friche La Belle de Mai, elle y est toujours, et c'est là qu'avec Fabrice, j'ai créé Euphonia. Qu'on l'écoute la première fois de notre vie et qu'on le réécoute là, ça fait plus quelque chose de drôle. C'était des grandes campagnes qui étaient un peu les Bastilles marseillaises, hein, qui étaient habitées par la bourgeoisie marseillaise, et une autre partie dessous qui était uniquement des maraîchers. Ouais, mais ça, c'est du film, ça. On peut imiter le cri du lion. À l'origine, il y avait des jardins ouvriers, en 1940, là, des jardins ouvriers avec des cabanes. Après, ça reste extrait. T'es obligé de le film, Avec l'arrivée des Maghrébins d'Afrique du Nord, ça se passait dans les années 50, ces cabanes se sont transformées en logements et en bidonville. Il peut couler le bateau. Voir un peu, peut-être voir un peu comme, que ça donne. Moi, je suis arrivé en France, je devais avoir peut-être 2 ans. Mon père, au début, dans son pays, il a dû travailler la terre et tout. Après, il est venu ici chercher la richesse. Bon, il s'est retrouvé à travailler de la terre, peut-être, mais de la terre goudronnée. Quand on a commencé les travaux de la campagne Picon, ça c'est au début des années 60, très vite on a tracé la rocade. Donc cette rocade a été une zone d'exclusion, et sur cette zone d'exclusion s'est installé le bidonville. Ça ressemblait un petit peu aux favelas du Brésil. Quand je pense au temps où nous habitions à Bidonville, Saint-Barthélemy, il y a 2 images, l'eau et le feu. Il y avait tout plein de gobelets, de bassines par terre, dans la maison. Parce que bon, les toits étaient en bois, en planche de bois, et quand il pleuvait, il y avait un petit peu d'inondation. Le feu, pourquoi ? Parce que dans notre petite dans notre maison, il y avait toujours dans un coin de la maison 2 valises qui étaient prêtes. Parce que quand il y avait le feu, ça prenait tellement vite que les gens ils prenaient leur peu de choses précieuses qu'ils avaient et ils se tiraient avec les enfants, quoi. Il y avait quand même 4000 habitants dans ces bidonvilles. Le bidonville Picon, qui a été très très important. Puis le bidonville Julien, qui s'est appelé Fontvert aussi, donc Julien Fontvert. Et le bidonville Benoce. La ZUP s'est construite sur ces terrains. Qu'est-ce que la radio a pu changer, toi, dans ta pratique de composition ? Je crois que c'est plus la rue qui a changé ma méthode de composition que la radio. Mais en même temps, comme à la radio, on rencontre toutes les rues, je pense que c'est ce rapport au réel. C'est-à-dire que le rapport au réel au GME, au GRM, il avait, puisqu'on partait du réel, l'enregistrement d'un train, etc. Mais c'est comment ce réel peut se confronter ou se mêler ou jouer en contrepoint, etc., avec ce qui serait la musique. Donc j'arrive à un stade maintenant où la radio, pour moi, quand on dit création radiophonique, J'aimerais qu'elle soit partout à la radio, la création radiophonique. Et puis je pense que la radio pour moi, c'est avant tout la voix. Hein. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense que la radio, c'est la voix. Donc ce qui me plaît, moi, à la radio, c'est premièrement parce que je pouvais travailler avec une, déjà avec Radio Grenouille. Donc où le pied de Grenouille, et c'est toujours un peu ça, c'est qu'on peut y introduire toujours aussi facilement des choses qu'on a envie d'y introduire, quoi. Et je pense que c'est la force d'une radio de pas se fermer. Alors après, effectivement, c'est peut-être la force et peut-être des fois la faiblesse, ou j'en sais rien. Mais de toujours donner à une radio cette liberté de pas être... Bon, il faut des grilles, effectivement, il faut des rendez-vous, il faut fidéliser un peu, mais pas que. Donc j'avais le plaisir, effectivement, de travailler au sein de Fonia, qui n'était pas la radio, quand même, puisque Fonia, on accueillait d'autres gens que des métiers de la radio. Et en même temps, d'avoir la possibilité de travailler avec une radio. Par exemple, je me souviens, à Euphonia, on a fait un stage qui a duré 2 ans, c'est une formation. C'était pas un stage, il s'appelait Passeport pour une aventure. L'outil de radio nous servait en permanence. Et actuellement, par exemple, quand on a commencé il y a 2 ans à voir ici, pendant le festival de paroles de galère, cette relation entre Eufonia et les gens qui font de la création sonore à Radio Galère, c'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence, on n'est pas du tout, mais que les gens qui travaillent à Galère comme vous et les gens qui travaillent à Eufonia comme moi, ou à la Grenouille, se rencontrent et qu'il y ait des échanges. En fait, je veux dire, c'est d'une situation comme ça qu'on arrive à créer des... Moi, je pense que tout, par exemple, quand on dit dans les années 70, effectivement, il y avait un rapport facile. À travailler, etc. Enfin, facile, plus facile. En même temps, il faut considérer que peut-être l'outil nous rapprochait. C'est-à-dire que là, tout le monde a son petit ordinateur chez lui, il travaille dans son coin, comme on peut le faire tous, hein. Alors qu'avant, le studio, c'était l'âme du groupe. C'est-à-dire que il y avait 4 magnétos, dans le meilleur des cas, avec le meilleur des cas des petits groupes, avec des tables de mixage, etc. Et chacun y passait à son tour parce qu'il n'y avait pas 36 000 outils. Tout ça pour dire que je crois qu'effectivement, les choses, les tentatives, etc., doivent se faire en fonction du... Je crois qu'avant tout, pour moi, ce sont des rencontres. Je crois au génie de la rencontre. Je crois moins au génie individuel. Même si après, on a besoin toujours de revendiquer des têtes ou des noms, mais en fait, ça, c'est pas important. Vous êtes prêts? On va enregistrer. Robert? Non, ça va. Là. Jonathan, vous êtes prêts? Bon, Lionel, Lucien, c'est bon? J'ai dit. Jonathan? Oui, tu es prêt? Bah, c'est pas complètement fini encore. Hein. Bon, on n'a qu'à dire que c'est infini. Claude? Robert? Jean-Paul? Khadija, on enregistre, Jean-Paul? Jean-Paul, de toute façon, on essaie. Tu reprendras plus tard, peut-être. Chadi. Lionel, Lucien. Bon. J'enregistre. Donc, maintenant, pour faire court, j'en arrive à ne plus séparer. C'est tellement couillon à dire, mais. La musique de l'environnement sonore, du son, etc. Et pour moi, c'est un jeu entre les deux. Alors, comment dire ça Ben, pour moi, la musique, ça... Alors, tu me disais au départ, effectivement, pourquoi je me revendique comme compositeur. Je trouve que c'est encore le mot le plus juste, pour moi, qui correspond à ma pratique. Alors que la composition, elle se fait avec le son, elle se fait avec la musique, elle se fait avec des... Je sais pas, tout ce que tu peux imaginer au niveau de l'écoute, enfin, ou de la perception sonore, ou de l'acoustique. Oui, en fait, que tu disais dans une interview là que j'avais vue sur Internet que le terme de création sonore, tu ne l'aimais pas trop. Là, tu l'as critiqué à plusieurs reprises pour le côté pompeux et que, effectivement, c'est plus dans un rapport critique à ce qu'on fabrique. En fait, on n'est pas en train de créer le son en tant que tel, on compose avec les sons du réel qu'on va capter. Voilà, donc je préfère me revendiquer comme compositeur, même si je travaille sur le sonore. Parce que la création sonore, c'est quoi? C'est tellement vaste. Alors, un créateur sonore, quoi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je préfère dire, j'enregistre effectivement des sons, je travaille sur l'environnement sonore, le son, et je compose avec. Vous êtes prêt? J'enregistre, Georges. Si j'étais. Georges. Georges. Georges. Si j'étais. Georges. Georges. Georges. Si j'étais. Georges. Georges. Et on entend beaucoup dans tes documentaires, on va en parler davantage maintenant. On entend beaucoup justement la musicalité des objets du réel et notamment des objets du travail. Puisque toi, tu as quand même pas mal travaillé soit sur des environnements ouvriers, quoi. Par exemple, le travail cœur de fer dont tu pourrais parler à la SNCF, avec des ouvriers, enfin des cheminots, quoi. Le son du travail se mêle entièrement avec un son musical et se mêle aussi entièrement avec, avec la voix. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Oui, le travail sur la SNCF, ça a duré un an, hein. C'était une commande de la... Donc de la SNCF pour faire un travail sur la rotonde à Avignon. Donc pendant un an, j'ai travaillé là-bas, deux jours par semaine. Je rencontrais les ouvriers qui travaillaient à la rotonde. Donc quand je suis arrivé avec mon magnétophone, on m'avait présenté comme ça, mais enfin, il y a tellement de gens qui travaillent, c'est les 3 à 8 et tout. Donc je rencontrais pas tout le monde, on m'avait pas présenté tout le monde, quoi. Et je me baladais avec le magnétophone dans, au sein de la rotonde. Alors la rotonde, bon, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est un peu comme le jeu de lapin qui va chercher la carotte dans une petite cabane. C'est 12 ou 16 autour d'un cercle, garage, donc en circonférence, traversé par un rail. Et quand la locomotive, il réparait uniquement de locomotive, arrive sur le rail central de la rotonde qui tourne, selon le mal qu'elle a, le mal au ventre ou à la tête, enfin, etc., la panne qu'elle a, elle est orientée dans un garage spécialisé pour cette panne. Donc, entre des trains, sort des trains sans arrêt, sans arrêt. Et moi, donc, l'espace était assez finalement pas, j'avais pas des kilomètres à faire, puisque je travaillais surtout au tiers. La rotonde, ça doit faire à peu près 300 mètres sur, même pas 150 sur 150, quoi. Donc au départ on me prenait pour celui qui était voir si le qui était venu pour mesurer si la tolérance des bruits dans au travail. Donc on me disait c'est fort ici, hein, il faut leur dire que c'est fort. Donc j'étais celui qui mesurait effectivement qui était le contrôleur de la nuisance sonore. Petit à petit, bon, les gens ont compris ce que je faisais là. Et j'ai lié des relations avec une dizaine de vraiment quoi d'ouvriers que je rencontrais sans arrêt. Donc on m'avait passé un petit local dans ce site, et là je les rencontrais régulièrement. Donc ils venaient écouter ce que je faisais et l'évolution du travail, et ils étaient avec moi dans ce rapport là alors c'est vrai que 10, 12 ou 15, parce qu'il y avait une dizaine de réguliers qui venaient tout le temps. Et beaucoup de gens qui sont passés. Mais cette régularité, comme ça, avec une dizaine, ça m'incrustait vraiment dans le lieu. Et après, j'avais plus de problèmes de repères, d'aller voir les gens, etc. Et c'était toujours à mon service dans la relation généreuse, quoi. Et en même temps, moi, je me souviens, là, j'avais repris un peu le trombone. C'est marrant, toutes ces histoires. Parce qu'un des musiciens jouait dans un orchestre de jazz. Et donc, moi, j'y allais le lundi et mardi, ou mardi, mercredi, je me souviens plus. Et un des soirs, j'allais jouer avec eux, donc on partageait comme ça. Avec les enfants aussi, hein, je partageais, c'est-à-dire que moi, je leur passais le magnétophone, quand je parlais tout à l'heure de la busserine, et je jouais aux boules, au ballon avec eux. Hein, je pense que dans le partage des jeux, c'est fondamental, quoi. Sinon, je vois pas ce qu'on échange. Donc là, en travaillant à la rotonde, j'ai effectivement travaillé sur tous les... il y a 12 tableaux et c'est chaque atelier que je traite. Donc, comment il se fait le travail? Eh ben, j'enregistre les gens en train de travailler, donc sur les tas de bruits différents. Et ensuite, je restitue dans Cœur de Fer 12 tableaux. Ça dure 35 minutes, 40, je sais plus. 12 tableaux comme ça qui sont les tableaux de travail de cette rotonde. Alors, quand tu dis, effectivement, je passe du son et je les transforme sans... c'est-à-dire, si je prends un coup de marteau, je lui conserve son sens de coup de marteau. En contrepoint, je peux effectivement, en travaillant sur ce son, en le modifiant, donner une écoute qui va donner un contrepoint à ce coup de marteau qui est réel. Mais je ne modifie pas, ou en tout cas, il y a toujours une présence du réel. C'est encore idiot, puisque sitôt qu'on a enregistré, c'est déjà plus réel. Hein. C'est uniquement une écoute du réel. Voilà. Donc l'enregistrement, c'est ce qu'on enregistre de sa propre écoute. Et donc quand on dit qu'on est dans une situation, on est 5 ou 6, ben on a 6 réalités différentes, parce que le réel, c'est pas uniquement ce qui se passe, mais c'est comment on l'entend, comment il nous questionne par rapport à notre culture, bon, etc., etc. Et c'est rigolo parce que c'est un terme qui me plaît pas trop, mais après les ouvriers, quand je leur faisais écouter mon travail, ils disaient, ah, tu musicalises nos sons. Alors, musicaliser nos sons, ça veut dire les rendre musicaux. C'est-à-dire comme si on parlait d'un son qui serait sale, peut-être. Un coup de marteau, c'est pas très propre. Surtout quand c'est donné avec une main qui a du cambouis, quoi. Et le trafiquer pour en faire un son musical, ça le rend plus propre. Mais c'est pas ça du tout. Là, je m'amuse. C'est uniquement pour ce coup de marteau. On peut l'entendre de 36 façons, de toute façon. Et c'est travailler donc sur cette lecture de la réalité, qui est déjà plus une réalité, mais c'est une lecture, pour en faire autre chose, mais qui questionne quand même la réalité. C'est ces allers-retours qui m'intéressent. C'est-à-dire que c'est toujours le contrepoint. Pour moi, ça me fait penser à des jeux de miroir. C'est-à-dire que quand on se regarde dans un miroir, eh ben on se voit pas, puisque c'est déjà l'image à l'envers. C'est on se regarde, mais c'est pas la réalité, puisque la réalité, c'est un peu comme la voix interne ou la voix externe, en fait, tous ces trucs-là. Et ça me plaît jouer là-dessus, sur ces contradictions. Alors, où faut faire attention, c'est qu'effectivement, où je me méfie de la radio, c'est qu'elle nous fait... C'est une lecture de la réalité, et la lecture qui est faite par des gens tellement différents que... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je pense que ces objets de communication, etc., sont effectivement les plus beaux du monde, mais à condition d'être de pas se laisser avoir par leur beauté, quoi. Bon, fais la soudure. Alors, tu disais que pour toi, la radio, c'était la voix. Et dans tes documentaires, il y a un traitement très particulier de la voix, où en fait, on a le sentiment que la voix est à la fois là pour véhiculer en fait, ce que la personne a réellement à dire. C'est-à-dire, c'est un truc que je reprocherais parfois à une certaine création radiophonique, c'est qu'elle ne s'empare de la voix que comme objet musical. Sans en avoir rien à foutre en fait du sens et de ce que les gens en face ont à dire en fait on prend leur voix parce que voilà on prend leur voix mais on ne les prend pas eux quoi et dans tes documentaires en fait la voix est à la fois là pour ce qu'elle a à dire pour ce qu'elle représente aussi culturellement la manière de parler ça s'entend beaucoup les accents quand tu vas interviewer quand tu vas poser ton micro au milieu des gamins ou bien quand tu vas poser ton micro au milieu des ouvriers ça s'entend énormément quoi tout ça et il y a également une musicalité très très forte immédiate de la voix ou d'ailleurs qui part souvent dans, je sais pas, tu rajoutes de la réverbération, mais il y a un côté très présent aussi de l'imaginaire qui est lié à cette voix. Mais je crois que c'est lié effectivement à la prise de son, c'est-à-dire que c'est un peu comme la place de la caméra à mon sens. Hein. C'est-à-dire quand on fait une prise de son, à mon sens, on a déjà dans la tête, je parle de la voix là, ce qu'on va en faire. Donc déjà savoir si on joue sur un plan d'ensemble, sur un plan rapproché, sur un gros plan comme au cinéma, hein, quand on pose la caméra pour en même temps quand on travaille sur la fiction, mais même dans le documentaire, je veux dire la place de la caméra est fondamentale pour nous donner l'image qu'on veut donner, enfin qu'on croit vouloir donner. Et je pense que la place du micro, donc ça commence là. Ensuite, je crois, moi, je suis vraiment, comme tu dis, très accroché au sens, c'est-à-dire que pour moi, la voix est porteuse d'un vécu, d'une réflexion, etc. Et même si elle est, effectivement, c'est du son, la voix, c'est un timbre, il y a des voix graves, il y a des voix aiguës, des voix qui sont dites, une voix radiophonique, bon, moi, c'est complètement stupide, une voix radiophonique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, enfin... Donc, oui, il y a... Et puis, quand je travaille sur la voix, je fais aussi quand même beaucoup de travail de montage, pas sur le timbre ou sur des choses... Même si tu dis, effectivement, je rajoute un peu de réverb. Pourquoi je rajoute de la réverb? Souvent, c'est pas tellement pour l'effet, mais parce que je fais tellement de coupes et que là, c'est peut-être mon côté propre qui revient du musicien. Enfin, je vais en parler après. Donc, la voix, la réverb me permet toujours de lier. Bon, mais c'est pas pour l'effet que je fais ça. Donc, j'essaye de pas en mettre. Ou parfois, j'en mets qu'à la fin du mot. Parce que je fais aussi, par exemple, je me suis rendu compte, et c'est du travail, que quand quelqu'un vous parle, si on prend par exemple une minute ou deux, il y a toujours dans cette minute ou deux, peut-être 10 secondes, ça suffit pour traduire ce que la personne nous a dit. Et c'est pas la peine qu'il y ait une minute. Alors quand il y a une minute, c'est pas long, mais quand il y a une heure et demie, je parle là d'un point de vue de composition, hein. Je parle pas de, comme là tu es en train de faire l'enregistrement, bon, c'est une rencontre, c'est pas une composition. Mmh. Mais quand je fais composition, je cherche toujours effectivement à donner le moins de place à ce que j'appellerais moi le côté journalistique, c'est-à-dire le développer de la pensée. Je développe de la musique, mais je développe pas du sens, même si j'y tiens au sens. Mais donc, il me semble que en utilisant le moins de mots possible pour vouloir dire la même chose que de longues phrases, c'est d'ailleurs un dicton, non? Tu parles longtemps pour rien dire. Alors disons, on peut parler longtemps pour dire pas grand chose, et c'est ce pas grand chose qui est peut-être intéressant, quoi. Pour continuer à avancer dans ce sens, je pense que je suis plus compositeur que créateur sonore, parce que même si je fais du documentaire avec des sons, des gens, etc., je pense que j'ai toujours la préoccupation qui m'a quand même formé, c'est l'écriture musicale, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir, souvent dans mes pièces aussi, enfin surtout une qui s'appelle la Zub numéro 1, c'est un mélange avec les enfants aussi. C'est 6 voix en même temps. Ça veut dire quoi? Alors quand on écoute un quatuor, on va dire qu'un quatuor c'est 4 voix, 4 violons par exemple, alto, bon, etc. Ben, on les entend tous les 4 en même temps. Et pourtant, on dit pas, c'est beaucoup, il y a beaucoup. Et je m'aperçois que souvent, j'écoute des créations sonores la revendiquée par des créateurs sonores, et ça me plaît beaucoup. Mais souvent, je trouve que cet équilibre que j'appelle le jeu de la musique, de l'accélération, du contrepoint, etc., je le retrouve pas souvent, quoi. Bon. Et c'est ce rapport-là qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire me mêler du réel tout en étant musicien, quoi, peut-être. Thank you. les gens ne sortaient pas le soir, c'était le couvre-feu et c'était la guerre aussi. Et il y avait des militaires de partout. Moi, je me rappelle, là où on marchait, il y avait des soldats. Donc, à chaque fois que je passais par là, il y avait tout le temps les soldats. C'était pavé, il y avait un petit muret. Beaucoup de soleil et du goudron autour. Il y avait aussi un jardin. Il y avait toujours au milieu des cafés, des magasins. Oui, il y avait une toute petite place avec un rond-point et il y avait trois horloges au milieu. Les grands platanes au dedans. Tu t'en voulais pas, Lisa, ils se promènent tout le soir, l'après-midi, quand il fait chaud comme ça. On a mis au milieu de la place. Une fontaine. Une fontaine qui a du mal à faire sa mousse. Il y a des arbres à côté de l'autre, il y a des bateaux qui passent. Alors d'abord, il y a une petite vieille. Elle est longue en rectangle. Elle est disposée en rectangle. C'est une grande place. Tout au long de la place, il y avait des bancs. Les gens s'assiedaient, ils regardaient la mer. Puis voilà. Il y a un monument aux morts. Alors les enfants escaladent, grimpent dessus. C'est une placette plutôt qui est située dans une cité de bâtiments, entre des bâtiments. Elle était presque carrée, entre les platanes, avec des bancs entre les platanes. Et des immeubles qui contournent toute la place, et le terrain de boules qui longeait. Et il y avait une statue au milieu de la place, il y avait une statue avec une couronne. Quelques bancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, une huitaine de rues avec des cinémas en bois. Il y a des arbres, puis il y a un peu plus haut, il y a les bâtiments de, où c'est qu'on égorgeait les cochons, les chevaux. Puis il n'y avait pas de maison autour, hein. Malheureusement, il y a la prison de ce côté. C'est une grande place qui avait des stations de bus, des terminus. Elle est carrée la place, avec des bancs. D'un côté, il y a la mairie, de l'autre, il y a la poste, et plus bas, il y a la gendarmerie. Et de chaque côté de la place aussi, il y a deux bars. Il y avait des kiosques tout autour de la place, des kiosques de journaux, des kiosques de tout, il y avait de tout, ceux qui vendent les frites, ceux qui vendent le... Autour de cette place, il y a les palmiers. Il y a une place qui est un peu haute. Avec un stade. Oh oui, il y a beaucoup de monde, il y a surtout des personnes âgées quand même. Puis alors il y a des jeunes qui jouent à la bicyclette. C'était une espèce de grande place où effectivement il y avait le marché, mais il y avait aussi tous les commerçants qui étaient autour. Il y avait un grand bar avec une grande terrasse. À côté, il y avait le petit cordonnier, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un horloger, une grande épicerie, un pharmacien, le boucher, il y avait tout. Et il y avait des bars tout autour. Il y avait les vieux avec leurs casquettes. Sur cette place, il y a une statue où il y avait également toute la commémoration des gens qui ont été tués par la guerre. Et sur la place, il y a des bancs, que les gens s'assoient dessus. Entouré d'arbres et plein de bancs, il y avait au milieu la statue du cheval et du bonhomme. Il y avait des ânes avec des bonhommes et on payait le bonhomme. Elle est grande, c'était une grande souk. Il y avait un petit pont qu'on coupait. Il y a toujours eu des lampes qui éclairaient la place. Mais c'est une place qui, sur laquelle se retrouvent de nombreuses intersections. C'est vraiment une place, c'est très immense, c'est entouré d'arbres, palmiers, tout ça, avec le bord de plage autour. C'est une grande place qui est merveilleuse à voir. Il y a des bars, il y a tout. Cette place, c'est une fontaine. C'est pas une fontaine, c'est un bassin. Et comme il y a de l'eau qui coule, ça fait un peu une grosse fontaine. Il y avait de grands magasins, des bars. Il y a quelque chose que tu n'évoques pas. Et enfin, peut-être tu as une certaine pudeur par rapport à ça. Mais je trouve que tes documentaires, je ne sais pas si on peut parler de documentaires sociaux, mais qui sont toujours très ancrés en fait, dans une réalité sociale spécifique. Tu as parlé de la ZUP numéro 1, tu as beaucoup travaillé dans les quartiers populaires de Marseille, tu as beaucoup travaillé avec des ouvriers. Il y a également une vacuité odoriférante sur l'histoire de... Françoise de Bresse. Voilà, sur l'histoire de l'ancienne usine de cigarettes. Également place forte, place publique, où tu avec interroges. Je précise chaque fois avec les gens, avec Françoise Eberès pour la vacuité odoriférante, la CEITA, et Jean-Pierre Rostand sur. Place publique. Où là, tu interroges en fait l'imaginaire qu'il y a autour de la place publique dans une époque aujourd'hui où elle tend à disparaître en fait, ou à se recréer sous d'autres formes. Et il y a une mémoire sociale en fait. Qu'on entend à travers tes documentaires, en reprenant tes documentaires. Est-ce que c'est quelque chose... comment est-ce que tu pourrais en parler de tout ça ? Non, je crois que c'est des... Je me suis aperçu que je travaillais sur la mémoire il n'y a pas longtemps. Les enfants, par exemple, c'est parce que la mort de Michel qui m'avait entraîné sur ce terrain, je l'ai poursuivi. Et en même temps, c'était pour moi une façon de retourner sur mon enfance. C'est-à-dire, moi, je ne vivais pas dans les HLM, j'avais une maison normale d'ouvrier, mais j'étais près d'un bidonville. La CEITA, c'est quoi ? C'était une fois une odeur vacuité odoriférante. Je m'installe sur un lieu et je ne le connais pas. Les ouvriers sont partis et moi, je m'y installe comme si c'était un terrain qui n'avait jamais... Donc, j'ai besoin de cette mémoire, ce n'est pas possible, sinon je m'en vais, quoi. Je ne peux pas être sur un lieu qui a été... habiter, travailler, où l'usine a fermé, il y a eu pendant 2 ans des luttes syndicales, etc., arriver sur ce lieu comme si rien s'était passé. Donc il me semble que la moindre des choses, puisqu'on m'a prêté la clé, c'est de parler de ce qu'était cette maison qu'on me permet d'occuper. Enfin, pas d'occuper, justement. Et quand les ouvriers, effectivement, étaient ravis que ça soit la friche ici. C'est-à-dire quand j'ai travaillé avec Françoise, les ouvriers et les ouvrières sur ce lieu, ils venaient, ils étaient complètement séduits. Mais en même temps, on leur avait pris leur outil de travail. Et pour faire la CEITA qui dure 26 minutes, j'ai dû faire à peu près, parce que ça a été avec plusieurs groupes d'ouvriers, trois ou quatre balades de 4 heures. Parce que pour traverser tous les locaux, il fallait 4 heures. Est-ce qu'on a pas précédé que la CEITA, c'était... La friche, la belle de mai. Alors, pour moi, c'était important. Et quand les ouvriers arrivaient dans la balade, j'ai dit, là, on ne peut pas passer, la porte est coincée. Elle est fermée. Comment la porte est fermée ? Mais c'est chez nous, ça, mais c'est chez nous. Comment la porte est fermée ? Mais il faut l'ouvrir. Donc, mais j'ai peut-être la clé. Il sortait un trousseau de clés. Il n'avait pas la clé. Mais d'un coup, ils allaient chercher la masse, ils cassaient la serrure. Et moi, le lendemain, j'allais réparer la serrure qu'ils avaient cassée. Alors, parce qu'ils étaient chez eux, donc ils n'admettaient pas qu'ils puissent même pas présenter leur lieu de travail. Oui, on est juste avant la passerelle. D'accord. C'était du théâtre, ce qui est arrivé. Les côtes, ce sont les nervures d'un feuille de tabac. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Le mercredi, c'est le fameux gratin dauphinois filet de dorade qu'il a remporté sur le bœuf carole. Pas mon coin. Qu'est-ce qui se passe ? Eh non, il est ouvert le cadenas. C'est immense. Hein. D'autre côté aussi, c'est immense. Là-bas, il y a des. Une partie qui a appartenu à la raffinerie de sucre Saint-Maurice. Tout ça a été démoli, rasé, et ils ont refait des entrepôts. En face, vous avez une aile, c'est la nouvelle manufacture, c'est-à-dire que de la rue Clovis-Hugues, on est venu dans la rue Jobin, la rue Guibal. Les anciens bâtiments n'étaient pas adaptés aux nouvelles machines qui sont arrivées en 1966-67. Et il y a une partie qui a été achetée au couvent. Oui, il y avait un tombeau d'une mère supérieure, ils l'ont déplacé et nous on a fait la chaufferie, enfin la manufacture a fait sa nouvelle chaufferie. Et c'était assez marrant que tu parles de cet épisode avec ton grand-père là, qui disait qu'il y avait les petits bonhommes derrière la grille de la radio qui faisaient le spectacle de la radio juste derrière. Parce que dans tes documentaires, il y a justement cet état un petit peu flottant, intermédiaire entre la fiction et le réel qu'on entend dans ta manière de traiter le montage. Et tu es très présent aussi. Enfin, la fabrication en cours du son est très très présente. Non, c'est rare quand je suis moi-même présent dans le... Je pourrais y être, hein, pourquoi pas. C'est pas, c'est des choix comme ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, je joue la relation intermédiaire et je préfère jouer la relation intermédiaire dans le montage que dans ma présence à la voix. Je crois que c'est ça, ouais. Quand je parle avec toi, comment faire penser que je parle à l'auditeur ? Je parle pas à l'auditeur, je sais pas qui c'est l'auditeur. Donc je vois pas son visage, je vois rien, j'ai un rapport avec toi là. Et là tu es l'intermédiaire entre moi et l'auditeur. Sur le rapport à la fiction. Mais pour moi la vie c'est la fiction. Mais même quand je balade dans la vie dans des situations, je mélange les deux, c'est-à-dire que c'est ma réalité, mais c'est quand même j'ai une part de fiction dans ma découverte de la réalité qui est énorme. C'est-à-dire, c'est tout ce qui m'a fait, c'est mon caractère, et tout ça, c'est comme ça qu'on dit, fictionnalise la réalité. Et je trouve que c'est bien de jouer avec ça. C'est fini. Ben, merci beaucoup, Lucien Bertolina. Merci à toi. C'était donc un entretien avec Lucien Bertolina, compositeur de documentaires sonores et directeur du studio Euphonia. Vous avez pu entendre Les Corbières qu'il a réalisées dans le cadre de la série Marseille sur écoute. Il était une fois la ZUP numéro 1, réalisée en collaboration avec Françoise Bresse. Si j'étais Georges, réalisé avec Jonathan Pontier et Lionel Casparian. Il était une fois une vacuité odoriférante, réalisée avec Françoise Bresse. Et Place Forte, Voix publique, réalisée avec Jean-Pierre Ostende. Et vous pouvez aller écouter l'intégralité de ces pièces sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Cette émission sera rediffusée samedi à 1h sur le 88.4 de Radio Galère et elle sera en ligne avec une documentation complémentaire sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud ? Cette radiodiffusion a dénoncé un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.